feu par Achille de Lozière-Thémines. Dolorita était une pauvre enfant sans famille. La vieille comtesse de G l'avait recueillie chez elle, et comme la jeune fille était bonne et douce, elle l'avait prise en grande affection, et sans danger, attendu que son neveu Marcel était aux colonies espagnoles et ne faisait que de très rares et très courtes apparitions à Madrid. Dans l'espace de 5 ans, il n'avait passé qu'une quinzaine de jours chez sa tante en 2 fois. À son premier voyage, il lui avait apporté un perroquet du Brésil qui avait nom Lorito. Il fut vivement frappé de la beauté et surtout de la douceur angélique du caractère de Dolorita, et félicita sincèrement sa tante de l'avoir prise chez elle. La seconde fois qu'il revint, il fut très agréablement surpris en entendant Lorito lui crier « Vive Marcel !» C'était Dolorita qui avait appris ces 2 mots au docile oiseau. Elle pouvait avoir alors 17 ans. Cette fois, Marcel regretta plus vivement que son devoir lui imposa de repartir. Pendant le court séjour qu'il avait fait chez la comtesse, il avait pu apprécier toutes les qualités de la belle orpheline et s'était surpris à se demander si ce n'était pas là la compagne que le ciel lui destinait, au cas où elle quitterait les colonies et se déciderait à venir résider dans son pays. À La Havane, Marcel s'était familiarisé avec la langue que Dolorita avait parlée dans son enfance, et comme on est toujours plus courageux quand on s'adresse à quelqu'un dans un idiome que les autres ne comprennent pas, Marcel profita de cet avantage pour glisser ça et là, dans la conversation, quelques phrases qui firent longuement rêver la pauvre Dolorita. Si bien que lorsque le jeune homme dut repartir et que la vieille comtesse eut pressé son neveu sur son cœur, Dolorita lui présenta à son tour ses joues pour le baiser d'adieu, rougit comme une cerise, puis pâlit affreusement et dut s'appuyer un meuble pour ne pas tomber. Marcel disparut, elle fondit en larmes et pleura ainsi toute la nuit. 3 ans auparavant, quand le jeune homme était parti une première fois, Dolorita n'avait été que très légèrement émue. Il faut dire aussi qu'alors elle avait à peine 14 ans, et qu'elle n'aimait pas, ou plutôt ne savait pas encore ce que c'est qu'aimer. Marcel écrivit très régulièrement et très souvent, d'abord en espagnol, mais au bas des lettres qu'il adressait à sa tante, il ne manquait pas d'ajouter quelques bonnes lignes pour la jeune orpheline. Puis ces lignes, il les écrivit en français, et la comtesse, en les montrant avec un sourire à Dolorita, lui demandait de les lui traduire. Une fois, cette traduction parut plus difficile, car Dolorita devint toute rouge et eut l'air de chercher les mots. Le fait est qu'elle traduisit librement, trop librement peut-être, à telle enseigne qu'à la lettre suivante, le passage concernant la jeune fille était de nouveau écrit en français. C'est que Marcel, ne jugeant pas à propos de mettre un tiers dans les petites confidences qu'il tenait à faire à Dolorita, lui avait écrit directement. Et Dolorita n'avait pas osé l'avouer à sa bienfaitrice. Marcel l'avait tant supplié de lui garder le secret. « Le jour viendra, disait-il, où, si vous le permettez, nous confierons à cette bonne tante nos espérances et nos projets d'avenir. Mais jusque-là, laissez-moi causer avec vous cœur à cœur. » Et Dolorita s'était soumise au désir de Marcel. Elle l'aimait déjà, et l'aimait tant. Si ce fut une faute, la pauvre enfant l'expia bien cruellement. Enfin, dans une des lettres de La Havane, adressée à la comtesse, son neveu crut devoir faire entrevoir à sa tante l'affection qu'il ressentait pour sa protégée et le dessein qu'il caressait d'en faire la compagne de son existence. Cette lettre resta sans réponse. La comtesse, déjà gravement malade quand elle l'a reçue, s'éteignit quelques jours après. La veille de sa mort, sentant que ses forces la quitteraient bientôt, elle embrassa Dolorita et lui montra la lettre de Marcel. La jeune fille n'eut pas la force de sourire. En tout autre moment, l'excès de la joie aurait fait affluer tout son sang vers son cœur. Mais là, devant ce lit de mort, elle baissa la tête et se tut. « Il t'aime donc ?» demanda la mourante. « Je le crois, » murmura Dolorita. « Et toi, tu l'aimes ?»« Oh oui !» s'écria la jeune fille avec transport, pendant qu'un flot de pourpre montait à ses joues. Puis, elle éclata en sanglots, et ce fut le visage baigné de larmes qu'elle avoua à la digne femme le petit secret de sa correspondance particulière avec Marcel. La comtesse l'écouta avec bienveillance, puis la tira de nouveau à elle, l'embrassa encore et lui dit « Tu le rendras bien heureux, n'est-ce pas? Il est si bon, mon pauvre Marcel. » La jeune fille voulut répondre, mais les sangles l'étouffaient. « Oui, oui, » murmura-t-elle, en baignant de larmes la pâle figure de la mourante. « Eh bien, » fit celle-ci d'une voix presque éteinte, « tu lui diras que je le bénis, que ma dernière pensée était pour lui, et que je m'en vais plus tranquille en sachant que tu me remplaceras auprès de mon cher Marcel. Je vous verrai heureux de là-haut. Adieu, ma nièce. » Puis elle s'enferma avec son notaire, à qui elle dicta de nouvelles dispositions testamentaires. Au notaire succéda le prêtre. Ensuite, l'agonie commença. La nuit, elle mourut. La maladie de la comtesse n'avait pas été longue. Dolorita écrivit à La Havane pour que Marcel arrivât au plus tôt. Mais il faut du temps pour qu'une lettre aille là-bas et qu'une personne en revienne. Marcel, quelque diligence qu'il fît, ne put être à M. La ville où était la maison de la comtesse, que de longs mois après le décès de sa tante. Il ne faut pas oublier qu'alors les communications n'étaient ni si faciles, ni si rapides, ni même si régulières qu'aujourd'hui. Or, voici ce qui arriva pendant ces deux mois. On avait mis les scellés à la propriété de la défunte. Par testament, elle nommait son neveu légataire universel à la charge par lui de faire à Dolorita une rente viagère de 12 000 francs. C'était la dot de l'orpheline. Dolorita prit le deuil. Elle se retira dans un petit pavillon, dépendance de l'hôtel de sa bienfaitrice, et dont la fenêtre assez élevée donnait sur la place de la ville de M. Là, elle passait ses journées, toute seule, à lire, à broder, à rêver de Marcel, à regretter la sainte et digne femme qu'elle venait de perdre. N'oublions pas Lorito. Lorito était avec elle et la distrayait par ses cris imitatifs, son jacassement, son pétulant bavardage et ses mots favoris « Vive Marcel !» M est une ville de garnison. Lorito imitait fort bien le roulement du tambour. Il savait dire à la perfection « porter armes, présenter armes, etc. » C'était la joie et l'étonnement des passants, surtout des jeunes conscrits nouvellement arrivés à M, d'autant que le plus fréquemment les petites manœuvres militaires avaient lieu juste sur la place où s'ouvrait la fenêtre du pavillon de Dolorita, fenêtre au rebord de laquelle était installée la cage de Lorito. Dolorita n'avait gardé avec elle qu'une vieille bonne, Suzanne, qui lui était très dévouée. Seulement, la pauvre femme était aux trois quarts sourde. Les autres domestiques avaient été congédiés. Au retour de Marcel, on reprendrait ce que l'héritier de la comtesse voudrait garder. La jeune fille menait la vie la plus simple et la plus modeste, ne sortant que le dimanche pour se rendre à l'église, et le vendredi, jour où était morte sa protectrice, pour aller au cimetière s'agenouiller sur sa tombe et y renouveler les fleurs. C'était vraiment une noble et digne fille que Dolorita. Mais voilà que l'horizon se rembrunit pour elle. Un jeune officier de garnison à M, un franc libertin, un fils de famille, qui après avoir fait mourir de chagrin sa malheureuse mère et dévoré en folles orgies tout son patrimoine, s'était engagé pour ne pas mourir de faim, rencontra la belle orpheline un jour qu'elle allait prier au cimetière. Bien qu'un long voile noir lui déroba les traits de la jeune fille, il fut frappé par son élégante tournure, sa démarche, sa taille svelte et flexible, son air d'infante. Il la suivit, l'accosta dans une rue déserte. Mais Dolorita ne daigna pas tourner la tête, ni même hâter le pas. Elle opposa aux instances du hardi lieutenant le silence le plus dédaigneux. Elle n'eut pas seulement l'air de remarquer qu'il était là, sur ses talons, lui glissant dans l'oreille toutes sortes de fadaises. Ne craignant pas une voix de fête dans les rues en plein jour, elle continua sa marche, calme et grave, entra au cimetière, fit sa prière et s'en retourna du même pas chez elle. L'officier l'avait attendue, suivie encore, et n'avait pas cessé de lui débiter ses madrigaux de caserne. Toute peine ne fut pas cependant perdue pour lui. Il sut au moins où demeurait sa belle inconnue. Point ne lui fut difficile, dans une ville comme elle, d'aller aux informations de savoir qui elle était, comment elle vivait, etc. Le résultat de cette enquête fut très satisfaisant pour ce Lovelace vulgaire, qui se promit à lui-même d'avoir raison, coûte que coûte, du dédain de l'altière orpheline. Il fit son plan, poussa une reconnaissance dans la place ennemie, s'assura de peu de résistance qu'elle opposait, et résolut de risquer l'attaque. De gré ou de force, s'était dit le libertin émérite, elle doit être à moi, et elle le sera. Comment s'y prit-il pour s'introduire dans l'enclos à l'intérieur duquel s'ouvrait la porte du pavillon? C'est ce que Dolorita ne put s'expliquer. Qu'importe ce détail, il y pénétra et s'y cacha. C'était le soir. Le lieutenant avait guetté le moment où les contrevents de la fenêtre de Dolorita se furent fermés. Il n'avait nulle envie de lui faciliter le moyen de se mettre à la croisée et de crier au secours au cas où il devrait brusquer, pensait-il, le dénouement. Il grimpa sur un arbre dont les branches s'abaissaient sur une des fenêtres du pavillon qui donnait sur l'enclos, mit le pied sur la large tablette qui servait de rebord, brisa un carreau, fit jouer l'espagnolette et sauta dans la chambre. C'était une pièce contiguë à celle qu'habitait Dolorita. Quant à la vieille Suzanne, elle dormait au rez-de-chaussée, et l'officier savait qu'elle était sourde à ne pas entendre Dieu tonner. Dolorita n'était pas couchée. Elle relisait pour la centième fois les lettres de son fiancé. Au bruit qu'elle entendit, elle tressaillit. Elle pensa que sa bonne remontait, mais pourquoi? « Est-ce vous, Suzanne ? » demanda-t-elle d'une voix mal assurée. On ne répondit pas. Malgré sa douceur, Dolorita était assez courageuse. Elle prit la lampe pour aller s'enquérir de la cause du bruit. Elle se dit cependant que ce ne pouvait être que sa domestique et que celle-ci ne l'avait pas entendue. Aussi ouvrit-elle bravement la porte qui séparait les deux pièces et faillit laisser tomber la lampe en voyant devant elle le jeune officier. « Qui êtes-vous, monsieur ? » s'écria-t-elle d'une voix altérée. « Et comment êtes-vous ici ?» Le lieutenant lui prit la lampe des mains, la posa sur un meuble, puis souriant à la jeune fille. « Vous n'avez pas daigné écouter mes protestations d'amour dans la rue, » me répondit-il, « et vous avez eu raison. » « Vous m'avez fait comprendre très délicatement que l'endroit était mal choisi. Il m'a fallu pénétrer jusqu'ici, et comme si je vous avais demandé la permission, vous ne me l'eussiez pas probablement accordée, car vous ignorez de quel amour ardent et sincère je vous aime, j'ai été forcé de la prendre. Vous abusez indignement et lâchement de ma position, monsieur. Vous savez que je suis seul et sans défense, mais je saurai me faire respecter. Quant à ce que vous appelez votre amour, apprenez, monsieur, que je suis la fiancée d'un homme d'honneur qui vous demandera raison de votre odieux procédé. « Dieu, Dieu, quelle colère !» ricana l'officier. « Et quelle est cette heureuse mortelle qui prétendrait me disputer une si adorable beauté ?»« Vive Marcel !» cria le perroquet, que la clarté soudaine de la lampe avait réveillé et qui s'agitait sur son perchoir à la vue d'un étranger. « Ah, il s'appelle Marcel. Cet oiseau prend la peine de me l'apprendre, car je gage que c'est son nounon que vous lui avez enseigné à répéter. » « Sortez, monsieur, ou je crie !» répliqua la jeune fille avec une énergie que la terreur pouvait seule lui donner. « Oh, que nenni, ma belle enfant ! Sortir sans vous avoir manifesté toute la passion que vous m'inspirez, vous n'y songez pas. Vous voulez donc du scandale ? Vous me compromettriez sans arriver à vos indignes fins ? Sortez, monsieur. Tenez, je vous prie, au nom de votre mère, si vous l'avez encore, au nom de votre sœur, si vous en avez une. » L'officier, toujours en souriant, fit un mouvement pour lui passer le bras autour de la taille et la tirer à lui. Dolorita se recula vivement. L'autre avança encore, et cette fois il réussit à saisir la jeune fille éperdue, affolée d'épouvante. Dolorita poussa un cri, qui fut pour le perroquet le signal d'un vacarme à réveiller les morts. Mais Suzanne, elle, ne s'éveillait pas. « Laissez-moi, laissez-moi, sortez !» cria encore Dolorita. « Diable d'oiseau vert !» murmura le lieutenant avec dépit. « Il va faire monter la domestique. » Et comme le perroquet criaillait toujours, « Te tairas-tu, vilaine bête ?» et lui donna un coup du dos de la main. Dolorita s'était réfugiée dans un coin, pâle, les mains jointes, la gorge serrée, n'ayant pas le souffle pour implorer secours. Le jeune homme marcha vers elle, prit les deux mains de l'infortunée dans les siennes et osa approcher ses lèvres brûlantes des lèvres décolorées de la pauvre enfant. Mais cette fois, illusion ou réalité, l'officier crut entendre du bruit. Il voulut écouter. Le perroquet criait de plus belle. « Va au diable » fit-il, et l'arrachant de son bâton, il le lança par la fenêtre qui lui avait donné accès dans le pavillon. La pauvre bête, jetée aussi brusquement et d'une main très vigoureuse, avait obéi à l'impulsion comme un objet inerte, et sans pouvoir ouvrir les ailes, était allée s'abattre dans le jardin non loin du mur du pavillon. Or, c'est juste devant la fenêtre de Suzanne qu'il était venu tomber, de Suzanne, que les trépignements à la pièce supérieure plutôt que les cris de Dolorita et ceux de l'oiseau avaient fini par éveiller. En tombant, Lorito fit entendre des cris encore plus perçants, des cris de douleur cette fois. « Qu'arrive-t-il donc chez vous, mademoiselle ?» demanda la vieille en ouvrant la croisée. « Au secours !» cria Dolorita aussi haut que ses forces lui permirent. Cette fois, l'audacieux libertin comprit que la partie était perdue pour lui. « Je vous quitte, mademoiselle, » dit-il avec rage, « mais je vous retrouverai. Et si vous vous avisez de porter plainte, je vous jure que je vous tuerai. C'est votre intérêt d'ailleurs de vous taire, ne fût-ce que pour la tranquillité de votre beau Marcel. » En disant ces mots, il courut à la fenêtre, l'enjamba, saisit la branche de l'arbre et se laissa glisser sur le sol. Un instant après, il avait disparu de l'enclos. Au même moment, Suzanne, par l'escalier intérieur, montait dans la chambre de Dolorita, qui, succombant enfin à la lutte qu'elle avait soutenue, venait de s'affaisser sur le parquet. Le lendemain, une fièvre brûlante la saisit. Elle eut le délire, elle fut pendant quelques jours en danger de mort. La bonne Suzanne avait appelé le docteur. Elle la soigna, comme s'il se fût agi de sa propre fille. Personne ne soigna le pauvre Lorito qui, lancé si violemment contre l'arbre, avait eu une aile brisée. Comment guérit-il? C'est un secret de l'ornithologie, mais il guérit. Et deux semaines après, Dolorita souriait d'un pâle sourire en l'entendant encore crier « Vive Marcel !» Maintenant, il faut vous dire pourquoi le lieutenant n'avait pas réalisé sa terrible menace. « Je vous retrouverai », avait-il dit, les yeux pleins d'éclairs à Dolorita, et il n'avait plus reparu. C'est qu'en sortant du pavillon pour dissiper un peu sa colère et surtout le dépit de l'échec éprouvé, il était allé souper avec des camarades. Les autres convives avaient été assez sobres, mais lui, par habitude d'abord, et ce soir-là, renchérissant sur l'habitude, il avait fortement abusé des liqueurs. Un peu sombre en arrivant, il était devenu peu à peu communicatif, loquace, bavard, et il avait fini par raconter dans tous ses détails sa téméraire tentative. « Je la retrouverai, » conclut-il cette fois encore, et il ajouta d'une voix avinée, « et je ne la manquerai pas comme tout à l'heure. »« Vous n'en ferez rien, monsieur, » dit un officier avec calme. « Vous vous plaisantez, je pense. Vous ne ferez pas une action infâme et qui rejaillirait sur nous tous. Vous ne déshonorerez pas votre uniforme en perdant une pauvre enfant. En tout cas, ce serait une lâcheté et je vous la défends. » Tous les autres officiers applaudirent du geste et de la voix à ces nobles paroles. Mais le lieutenant, piqué au vif et déjà à moitié ivre, se récria. « Est-ce un capitaine ou un capucin qui vient me parler de la sorte et sommes-nous à l'église ou au cabaret ?» Le capitaine se leva, ses amis l'imitèrent. « Laissons-lui cuver son vin, » dit-il sans s'émouvoir. « Il est gris. Demain il sera raisonnable et regrettera ses paroles. Plus encore, sa folle est coupable équipée. » « Je ne regretterai rien du tout !» s'écria le lieutenant, les yeux injectés de sang. « Je vais te faire voir, moi, si je suis gris !» À ces mots, il tira l'épée et s'élança sur le capitaine. Ce fut du bras que ce dernier put parer le coup, écartant par un mouvement aussi heureux que rapide la lame que ce forcené allait lui faire disparaître dans la poitrine. Les officiers se jetèrent sur lui pour le désarmer. Ce fut avec peine qu'ils y réussirent, car ils se défendaient avec fureur. L'épée se brisa entre ses mains. Ivre de rage, aveuglé par la colère, il jeta la poignée de l'arme à la figure du capitaine. On l'entraîna de force, on l'enferma. Il passa devant un conseil de guerre. Peut-être l'excuse de l'ivresse eût-elle adouci la rigueur de l'arrêt, mais cet homme avait de si déplorables antécédents. Déjà, une première fois, il avait été puni pour infraction grave à la discipline. Il n'avait réussi à obtenir l'épaulette que parce qu'il s'était montré brave jusqu'à la témérité dans un combat au Maroc. De sergent, il fut nommé sous-lieutenant, puis lieutenant. Mais jamais il n'avait pu avoir la croix, comme la plupart de ses camarades. L'insubordination ayant été grave, et le prévenu étant récidiviste, le conseil de guerre le condamna à mort. Mais il avait un parent très haut placé à la cour qui intercéda pour lui. Le roi refusa d'abord de faire grâce, puis se décida à épargner les jours du condamné. Il bornerait là sa clémence. Dans ce but, il manda à Madrid le colonel et lui communiqua sa volonté en lui prescrivant le plus grand secret. le condamné devait subir la dégradation et les apprêts du supplice. Seulement, au moment de l'exécution, l'officier qui commanderait le piquet ne prononcerait pas le mot « feu ». On ferait alors relever le coupable, on lui annoncerait sa grâce et il irait dans une compagnie disciplinaire en Afrique. En attendant, Dolorita entrait en convalescence, mais à mesure que sa santé se rétablissait et que la conscience de ce qui s'était passé lui revenait, une tristesse profonde s'emparait d'elle. « Il me retrouvera, » a-t-il dit, et quand bien même il n'oserait pas réaliser cette horrible menace, pourrais-je cacher à mon fiancé la violence dont j'étais victime ? Ce ne serait pas loyal. Je ne puis avoir de secret pour celui qui a droit à tout mon amour, comme je veux avoir droit à toute son estime. Et pourtant, comment rencontrer sans rougir et sans frémir l'homme qui a osé me flétrir de sa lèvre ? Si je me trouvais avec lui, avec Marcel, dans un salon, oh, c'est horrible ! Lorito, perché sur son bâton devant la fenêtre, n'avait pas trop l'air de comprendre le sens de ce monologue. Il se bornait seulement à répéter « Vive Marcel !» Et Marcel navigua à toute vapeur vers les côtes de l'Espagne. Quand le jour de l'exécution militaire arriva, le colonel fit réunir son régiment sur la place de M. On se souvient que la fenêtre du pavillon de Dolorita donnait sur cette place. Le condamné apparut, il était livide mais calme. L'arrêt fut lu à haute voix. Puis on prononça la dégradation, punition plus terrible encore que la mort elle-même. Enfin, l'aumônier embrassa le condamné. Celui-ci demanda qu'on ne lui bandât pas les yeux. Il aurait voulu commander le feu. Le colonel n'acquiesça pas cette demande, et pour cause. Un piquet de soldats, les fusils chargés, se plaça à quelques pas du condamné. On entendit la voix de l'officier qui les commandait, crier « Apprêtez armes ! En joue ! Feu !» Et le condamné tomba la face contre terre. Le colonel poussa un cri et courut à l'officier, qui lui-même était devenu pâle comme un cadavre. « Vous avez donc crié feu, malheureux ?» fit le colonel, « malgré mon ordre ?»« Mais pas du tout !» répondit l'officier tout ahuri. Il se fit un silence de mort. Au même moment, on entendit crier « Portez armes ! Présentez armes !» C'était Lorito qui, de sa fenêtre, commandait l'exercice militaire. C'est lui qui avait crié feu. Il avait vengé Dolorita. Marcel apprit la scène du pavillon de la bouche de sa fiancée. Il soupira, puis la pressant sur son cœur. « Vous êtes toujours pour moi l'ange de pureté que j'avais rêvé. Tranquillisez-vous. Vous n'aurez pas à rougir devant qui que ce soit. Le misérable qui voulait vous déshonorer a expié sa faute. Que Dieu lui pardonne. » Ainsi s'achève « Feu » par Achille de Lozière-Thémines.